Le séminaire conjoint des partis politiques et des formations de Russie et des pays de la communauté des États indépendants pour féliciter le succès du 7e congrès du Parti du Travail de Corée a eu lieu le 30 mai à Moscou sous les auspices du Parti communiste de la Fédération de Russie. Dans la salle de réunion étaient exposés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Y ont pris part les délégués d'une trentaine de partis politiques et formations de 9 pays comme le Parti communiste de la Fédération de Russie, l'Institut de l'Orientalisme de l'Académie des sciences de Russie, l'Association russe pour l'amitié et la coopération culturelle avec la République populaire démocratique de Corée et l'Union internationale des officiers de l'URSS, ainsi que les personnalités de différents milieux. Y ont été invités l'ambassadeur coréen et ses collaborateurs. Au séminaire, il y a eu les interventions à la suite du discours d'ouverture. Les orateurs ont exalté que le respecté camarade Kim Jong-un est le dirigeant éminent qui renforce au maximum le parti et remporte de grands succès dans le développement économique et l'amélioration de la vie de la population. Les participants ont adopté un message de félicitations à l'adresse du maréchal Kim Jong-un et publié une déclaration commune pour soutenir la décision du 7e congrès du Parti du Travail de Corée.